c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, et bienvenue à cette émission à contre-temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Ralentir pour vivre, qui est une association qui comprend à peu près une soixantaine de membres, avec au conseil d'administration une médecin psychiatre, une médecin généraliste, une personne pour la logistique et puis moi-même pour l'animation, nous faisons de la prévention et de la sensibilisation pour le syndrome d'épuisement. Donc, nous sommes à contre-temps, vous le comprendrez très bien. Voilà. Et effectivement, ce syndrome d'épuisement est appelé plus communément burn-out. Oui, eh bien oui, un gros mot, un grand mot. Depuis 3 émissions, là, nous avons démarré avec, ça fera la 3e, nous avons démarré avec les jeunes. Pourquoi avec les jeunes? Parce que les jeunes sont apparemment de plus en plus touchés par ce syndrome d'épuisement. Et puis qu'on doit prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, notre but, informer, sensibiliser par des campagnes et, entre autres, un témoignage qui a eu lieu ce dernier dimanche en rediffusion et le dimanche d'avant à 17h sur Radio Gémozo de Lisa, qui a 25 ans maintenant et qui a fait un burn-out à l'âge de 20 ans. Donc, nous avons entrepris la semaine dernière avec Lee de faire parler les jeunes et nous allons de plus en plus faire parler les jeunes. Alors, vous pouvez intervenir dans cette émission avec un numéro que vous pouvez appeler le 03 29 62 40 40 ou bien sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Radio Gémozo ou sur la page Facebook de Ralentir pour vivre. J'ai presque dit pour survivre, on n'est pas loin, les lapsus sont souvent révélateurs. Oui, nous devons faire attention parce que en parler, ça permet de rendre visible l'invisible. Ça permet aussi de ne pas se sentir coupable d'en avoir été victime et ainsi arriver à une résilience. Ce fameux syndrome d'épuisement, eh bien pour le présenter de manière simple, c'est la pression sur le long terme. Or, à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de pression sur le long terme, à tous les niveaux. Et c'est avant tout une maladie de société, non une maladie de l'individu, quand bien même il en est victime. Maladie de société, eh bien oui, là, ça va être le vraiment sujet du jour. La culture de la compétition, la concurrence exacerbée, l'urgence, l'évaluation, toutes ces pressions qui sont mises sur l'être humain. Parce qu'une évaluation pour la couleur d'un drap, ça va, mais pour un être humain, c'est beaucoup plus lourd. La compétition, eh bien là, c'est aujourd'hui, nous allons avoir un invité, le professeur Pascal Corradini de l'IUT, qui est à l'heure actuelle à la retraite, et puis qui va nous parler de son problème qu'il a eu avec les notes, cette fameuse compétition. Parce que les chiffres sont quand même là pour dire, les chiffres pour la population française, c'est 3 millions de Français en forme grave, en burn-out. Ça concerne 40% de la population, c'est-à-dire 4 personnes sur 10 qui souffrent d'un début de syndrome d'épuisement. Donc 2 sur 5. C'est une violence morale plus insidieuse que la violence physique car elle ne se voit pas. Et quand on regarde chez les jeunes, il y a effectivement quelque chose qui nous surprend. C'est-à-dire que on peut voir qu'en 2021, on parlait de 15% des adolescents qui étaient épuisés plus que la moyenne. 16% en 2014, disaient qu'ils avaient entre 15, ceux qui avaient entre 15 et 29 ans présentaient au moins un symptôme d'épuisement. 64% des 18 à 34 ans affirmaient être stressés et 12% se déclaraient complètement vidés par leurs activités. Et en 2024, on arrive à 98% qui se déclarent stressés chez les jeunes. C'est donc effectivement un syndrome d'épuisement qui est effectivement quelque chose de très grave, parce que la population jeune, c'est quand même sous notre responsabilité. Nous allons entendre une interview qui a été donnée sur l'anxiété de performance. Et là, vous allez voir à quel point c'est une maladie dont les jeunes souffrent actuellement. En général, tout le monde veut avoir du succès dans ce qu'il entreprend. C'est normal. Vouloir réussir est sain lorsque c'est un choix personnel qui nous cause pas de souffrance. Par contre, si le désir de réussir un cours, un examen ou une compétition occasionne un malaise intense, des pensées négatives ou des symptômes physiques comme la migraine ou la nausée, il s'agit peut-être d'anxiété de performance. Ce type d'anxiété s'exprime par des inquiétudes importantes face aux évaluations ou à toute situation où on peut se sentir jugé. Elle peut prendre la forme d'une quête exagérée de perfection, d'une peur excessive d'échouer ou d'un sentiment de paralysie à l'idée d'entreprendre un projet dont le succès n'est pas assuré. Les sources de cette anxiété sont souvent des émotions négatives, comme la honte ou la culpabilité à l'idée de décevoir ou des peurs comme celle d'être rejeté ou de pas être assez bon, comme si notre valeur personnelle dépendait de notre réussite à l'examen ou dans la compétition. L'anxiété de performance peut avoir un impact sur la vie sociale. Quand l'obsession d'être performant prend toute la place, elle peut nuire à nos relations personnelles et mener à l'abandon de certaines de nos activités. Comme pour tous les types d'anxiété, il existe des moyens de l'atténuer. Par exemple, en se donnant des objectifs réalistes et moins axés sur la perfection, ou encore en gardant en tête que les examens ne servent pas à mesurer notre valeur personnelle, mais l'acquisition de connaissances. Aussi, se souvenir des situations qui nous ont rendus fiers fait baisser l'anxiété créée par la peur de ne pas être à la hauteur, tout en renforçant l'estime de soi. Si l'anxiété vient d'une pression exercée par les parents, il est important d'en discuter avec eux. Dire comment on se sent, parler des efforts qu'on met pour réussir ou demander leur soutien peut aider à améliorer la situation. Dans tous les cas, si l'anxiété de performance prend trop de place ou empêche d'avancer, on peut se tourner vers une intervenante scolaire, un psychologue ou un autre professionnel pour trouver des solutions. Nous voilà plongés dans le fond du sujet. Voilà, cette anxiété de performance qui met en doute notre propre valeur. Donc nous recevons aujourd'hui Pascal Corradini, professeur à l'IUT en retraite depuis peu, hein, et qui vient nous parler des notations et du système de performance en place dans l'éducation pour juste faire une petite aparté. Bonjour Pascal déjà. Bonjour. Voilà, je voulais juste dire que vous avez été contre les notes et que vous avez eu beaucoup de problèmes avec l'éducation nationale parce que vous avez refusé de marcher dans cette combine. Et que effectivement, pour vous, ça a été quelque chose d'assez important. Maintenant, parlons de l'expérience que vous avez par rapport aux jeunes et comment ils se positionnent par rapport à cette compétition. Alors, tout d'abord, effectivement, j'ai agi par rapport à ce que je trouvais qui était excessif de par rapport aux notes. Bon, pour illustrer rapidement, j'ai mis à 8 ans, 18 sur 20 à tous mes étudiants pour réagir. En fait, j'étais dans une sorte de colère par rapport à ça. Alors, effectivement, c'est en observant la souffrance de mes étudiants que je me suis mis en colère. Et du coup, mes étudiants venaient souvent vers moi en me disant « Cet enseignant nous fait travailler par cœur, nous fait apprendre par cœur des leçons, puis après, il nous juge, il nous met des notes là-dessus. Ça n'a pas de sens pour nous. » J'ai vu des étudiants qui sont venus vers moi en me disant j'ai encore eu 4 en maths, comment je peux faire, ça risque de faire, enfin je risque de ne pas avoir mon diplôme pour ça, donc c'est de l'anxiété, une anxiété que j'ai sentie de façon récurrente pendant toute ma carrière. Donc moi en tant qu'enseignant j'ai été effectivement sensible à ça parce que j'ai changé avec mes étudiants, j'étais dans une vraie relation, hein. Et puis c'était quand même effectivement injuste parce que je pense que même s'il y avait eu une mauvaise note, la capacité de l'étudiant n'était pas zéro, en quelque sorte, ou n'était pas quatre. Il y avait quelque chose de plus global que ça dans ses capacités. Tout à fait. Puis c'est vrai, il faut quand même regarder ce que peut valoir une note. Déjà, la justesse d'une note, je ne sais pas, il y a des matières, mais même c'est presque toutes les matières. On ne peut pas. Il est démontré que, par exemple, une même copie corrigée par plusieurs enseignants peut donner des notes allant de 5 à 15. C'est fabuleux. Oui. Merci pour le retour. Là. Ouais. Oui. Donc, comme quoi, c'est relatif tout ça. Donc, en fait, il ne s'agit pas de ne pas évaluer, mais il s'agit de ne pas évaluer en comparant, en jugeant. Il y a des comportements d'enseignants, par exemple, où quand ils rendent les copies, ils commencent par l'étudiant le moins bon, qui a la moins bonne note, et puis ils le ridiculisent devant les autres. Mmh. Donc, voilà, c'est des comportements qui ne sont pas acceptables. Et en prolongement de ça, quand on écoute un étudiant qui vient vers nous, puis qui dit, ou qui spontanément dit, je me sens nul, je suis nul, c'est quand même inquiétant. Oui, c'est grave. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en direct là sur Radio Gemozo et que vous pouvez réagir soit sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Radio Gemozo, soit sur la page Facebook de Ralentir pour vivre à Beau. Voilà. Et puis, effectivement, ces façons de se comporter font que la compétition fait partie intégrante de leur façon de fonctionner. Tout à fait. C'est vrai qu'après, ils rentrent dans ce fonctionnement, qui est un enfermement, en fait, on peut appeler ça comme ça, où ils ne peuvent pas s'empêcher, nos étudiants et toute l'équipe, et l'équipe éducative qui fonctionne avec ça, de se comparer et de se juger, d'apprécier, d'avoir une estime de d'eux-mêmes qui est totalement dépendante à des résultats, à des notes. Alors que l'estime de soi, c'est bien autre chose. Oui, parce que des notes, ça veut dire, peut-être je dis n'importe quoi, mais j'ai un début de gastro, je vais à l'examen, j'ai la tête complètement embrouillée, je vais peut-être pas être terrible ce jour-là, mais ce qui ne veut pas dire qu'en moi-même, je ne suis pas terrible. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc c'est effectivement extrêmement délétère, parce que ça peut être considéré comme de la stigmatisation malsaine. Tout à fait. Ouais. Ouais. Puis un phénomène insidieux de la note, en fait, notre cerveau, dans notre inconscient en tout cas, par rapport aux notes, reçoit une information comme quoi il y a une confusion au niveau du cerveau entre donc une note qu'on peut obtenir et l'estime de nous-mêmes que l'on peut en avoir. Oui, c'est scotché ensemble. C'est scotché ensemble. Oui, je vois. Et donc du coup, il y a un effet pervers de la note, de toute façon. Là, on va entendre une expérience qui s'est passée à La Rochelle, une école très intéressante par rapport justement à cette manière de voir les choses. Ouais. Plus aucune note, mais un barème de lettres. Dans cette classe de 6e, les professeurs expérimentent l'évaluation par système de compétences. Les lettres A, B, C et D ont remplacé la notation sur 20. Plutôt qu'on donne une note globale, on va cibler les points précis et l'enfant va savoir précisément la compétence qu'il a atteinte ou qu'il n'a pas atteinte. Plutôt que de lui donner un 12 qui ne va pas dire grand-chose, on va lui dire mais tu sais mettre la ponctuation. Par contre, tu n'as pas su organiser, si c'est une histoire, tu n'as pas su organiser tes idées correctement. Concrètement, désormais, dans une même copie, un élève peut avoir un A et un D, puisqu'il est évalué sur plusieurs compétences. C'est ce que l'on appelle l'évaluation positive. Dans cette autre classe de 5e, cela fait un an que le système fonctionne. Un système que les élèves ont adopté. Ça stresse moins. Enfin, on a moins de stress, je trouve. Je pense que c'est plus précis sur la compétence évaluée. A, B, C, D ou code couleur, un autre système expérimenté l'an passé. La forme est différente, mais le fond reste le même, redonner confiance aux élèves. Combien d'élèves m'ont dit « Oui, monsieur, je suis nul ». Ça, je peux vous assurer que je l'ai entendu X fois. Tout simplement parce qu'il est abonné aux 2 sur 20, 3 sur 20, etc. Donc c'est aussi lui redonner confiance. Envie de travailler, un peu le raccrocher à l'école. Car en misant sur ce système sans notes, l'équipe pédagogique espère aussi lutter contre le décrochage scolaire. Pour le moment, aucune étude n'a été menée sur cette expérience, mais dans cet établissement, les premiers bilans sont prometteurs. Voilà, on voit très bien ce jeune qui dit « on est moins stressé », ce qui induit indirectement que les jeunes ont beaucoup de stress. Et la deuxième chose, ce professeur qui dit que quelqu'un vient le voir en disant « je suis nul », parce qu'effectivement, cette idée de compétence, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que c'est vrai que si on me disait « bon ben voilà, t'es pas bon pour la ponctuation, mais t'es bon pour ça, t'es pas bon pour la rédaction, mais t'es bon pour la grammaire », je pourrais savoir quoi travailler. Mais c'est vrai qu'une note globale, c'est difficile. Donc effectivement, cette façon de noter est quand même extrêmement insidieuse. Tout à fait. Et d'ailleurs, la pire des choses, c'est la moyenne générale. À un moment donné, quand on fait la moyenne de toutes les notes et qu'on attribue une moyenne générale, c'est la pire des choses qu'on puisse faire et qui se fait couramment. Donc effectivement, ces évaluations par compétences sont intéressantes, pas forcément suffisantes, parce que moi j'aimerais en savoir un petit peu plus sur comment ces compétences sont évaluées, parce qu'en fait, dans l'absolu, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit l'étudiant, même un enfant, un élève, peut avoir une perception de de ce qu'il a bien compris ou moins bien compris. Ah oui. Il faut que ce soit une relation entre l'équipe éducative et même avec les parents. Il faudrait qu'il y ait tout un environnement autour de l'élève, de l'apprenant, pour qu'il puisse se faire une idée de ce qu'il a compris, pas compris, de là où il a à progresser et s'il a envie de progresser. Il y a la question de l'envie aussi. À un moment, il y a un moment où un élève a envie de travailler un sujet, une compétence, une matière, et d'autres moments, non. Donc il faut respecter aussi ce temps-là. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, effectivement, le dialogue, ça je le comprends très bien. C'est-à-dire qu'un jeune a besoin de dialogue. Bon, là, on va un peu aussi à contre-temps. Hein. On en est toujours dans l'émission à contre-temps. Pourquoi ? Parce que y a de moins en moins de budget à l'éducation nationale, de moins en moins d'enseignants, et c'est de plus en plus compliqué de consacrer du temps aux élèves. Absolument. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a un véritable problème, quand même. Dans l'absolu, il faudrait beaucoup de temps, il faudrait un travail individualisé. Ce qu'on a entendu là, dans ce reportage, c'est ça, c'est la question de faire apparaître avec l'élève là où il en est. Et là où il voudrait progresser ou pourrait progresser, et on lui fait des propositions pour justement progresser. Oui, mais là, il y a une relation, il y a un échange, et ça prend du temps, tout ça. Oui, et puis là, ce que vous disiez, c'était très intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, où est l'intérêt ? On parle d'envie, mais où est l'intérêt de l'enfant ? Parce qu'un enfant peut avoir de l'intérêt pour une matière, mais c'est pas pour autant qu'il est nul. Il a une capacité et un talent, même s'il correspond pas à la boîte normée dans laquelle on le met, effectivement, c'est quand même quelque chose, on va dire, d'important de reconnaître la valeur de chacun. Maintenant, on est dans un système, globalement parlant, Pascal, on est dans un système qui quand même, on va dire, prépare les jeunes à être, alors je vais dire quelque chose qui va peut-être faire hurler les auditeurs, mais je le dis quand même, à être exploités quelque part pour la production, pour le consumérisme, pour tout ça, c'est-à-dire qu'ils doivent rentrer dans une case pour faire le pain béni d'un système qui veut qu'on soit productif. Tout à fait. Oui, on voit bien que y a une corrélation entre les deux. Et évidemment, c'est Nelson Mandela qui disait que on peut observer le fonctionnement d'une société en regardant la façon dont on éduque les enfants. Donc, c'est typique là dans notre société. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que la façon dont on fait apprendre à nos jeunes correspond bien à la façon dont fonctionne notre système, qui est essentiellement économique. Ouais. Donc, on les formate en gros. On les formate. C'est ce que nous avait dit. On les formate, effectivement. C'est un petit peu... Bon, on va écouter un dernier encore, parce que là, je trouvais très intéressant, une dernière intervention de la School TV, qui s'écrit S-Q-O-O-T-TV. Faut-il en finir avec les notes ? Alors, je dirais, bon, allez, on va faire l'avocat du diable, on va laisser parler un peu toutes les tendances, et là, on va voir ce que cette interview nous apprend. Alors, on l'aura compris quand vous dites que la compétition, c'est pas génial, les notes, c'est pas génial non plus. Alors, il faudrait carrément en finir avec les notes. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire qu'on est en France très attaché au système de notation. Or, le système de notation, si on se donne comme objectif le progrès de tous les élèves et non pas le classement des élèves, c'est un système qui est assez pauvre. Une note nous en apprend assez peu. On va prendre un exemple simple. Deux copies qui ont 9 en maths peuvent renvoyer à un niveau de maîtrise des compétences très différent. Je peux avoir fait une erreur de calcul, je peux avoir fait une erreur de raisonnement, je peux... Exactement. Voilà, donc je peux très bien faire des erreurs d'inattention systématique ou au contraire ne pas maîtriser fondamentalement le savoir. La note reflétée est la même. En revanche, elle permet de trier et ça fait, dites-vous, de l'échec scolaire un effet structurel du système. On crée des mauvais. Tout à fait. Il y a des choses qui ont été beaucoup étudiées en sociologie, etc. Par exemple, on appelle ça la constante macabre. Ah oui, la constante macabre, ça c'est en Antibes, oui. Qui montre que, quel que soit le niveau initial des élèves, on se retrouve toujours à la fin de l'année avec un groupe de faibles, un groupe de moyens, un groupe de forts. Une courbe de Gauss d'ailleurs, avec quelques très mauvais, quelques très très bons, ensuite ça se répartit. On évalue toujours, ceci étant, dans l'école de vos rêves, mais on le fait autrement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, entre guillemets. Il faut évidemment évaluer. Et évidemment que du point de vue des apprentissages, il y a des élèves qui réussissent plus ou moins bien. Il y a bien une norme des savoirs à acquérir et l'évaluation est nécessaire. Mais cette évaluation doit être au service du progrès de chaque élève et non pas au service du classement des élèves entre eux. Voilà, on l'a compris, le système de notation est loin d'être cohérent. Bah, c'est ce que vous nous avez dit, hein, Pascal. C'est-à-dire que voilà, un 9 peut être attribué par un professeur et la même copie va être évaluée à 15 par un autre professeur. Et ça nous rappelle ce que nous a dit Lille il y a 15 jours, c'est-à-dire il y a dans les écoles les bons. Les mauvais, bon, ils ont mis une classe entre deux, les moyens, moi je dirais les bons, les mauvais quand même. C'est vraiment, on catégorise et on stigmatise les jeunes, t'es bon, alors toute leur vie ils vont se dire on est les meilleurs des meilleurs, et ils vont être encore plus épuisés entre nous. Et puis t'es mauvais, t'es un nul et tout, ils vont être aussi très épuisés. Donc on fabrique en quelque sorte un syndrome d'épuisement de par cette façon de les voir quelque part. Mmh. Effectivement, et ce serait tellement mieux si on pouvait voir les choses en termes de talent, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aussi les intelligences multiples. Il y a une dizaine d'intelligences multiples. Si on observe ça chez chaque élève, eh bien, on met en évidence là où les talents de chacun, les facilités de chacun, et du coup qui oriente sa vie, son futur métier, etc. Oui. Ça, c'est beau. Ce serait justement beaucoup plus intelligent. Ben, je vais rebondir sur ça, Pascal, en vous demandant, et alors, comment peut-on voir les écoles alternatives, les bons points, on va commencer par là, et les difficultés qu'ils rencontrent ? Ah bah, les écoles alternatives, justement, elles existent par rapport à ce qui pose problème dans le système, et du coup, elles, par exemple, elles n'ont pas un programme figé. Hein. Dans le système, il y a un programme souvent qui est à rallonge, très ambitieux, et c'est un programme par rapport auquel les élèves devraient posséder toutes les compétences. Oui. Il y a ce programme. Ça me fait juste sourire, là, je vais faire juste une petite aparté, parce que ça existait déjà il y a, 65 ans, il y a 50 ans en arrière. Je me souviens que ça me faisait sourire, moi, parce que chaque année, on avait un programme très touffu, et on n'arrivait jamais à la fin du programme. C'est fou quand même, ça. Et il y a déjà 50 ans, donc j'ose même pas imaginer aujourd'hui. Oui, et puis ça sous-entend une course et une forme de bourrage de crâne, mais on n'arrive jamais à finir le programme. En fait, c'est ça, les enseignants, ils se plaignent toujours de ne pas finir le programme. Mais c'est parce qu'ils se mettent sur le dos le fait de devoir le finir, et puis c'est parce que le système leur impose aussi. Alors, si on reparle d'école alternative, évidemment, il n'y a pas de notes. Le problème principal, c'est ça aussi, c'est la compétition et les notes qui, quelque part, instillent, donc en tout cas favorisent la compétition. Donc l'idée, c'est d'expérimenter la coopération. Donc, intéressant. Donc mettre compétition contre. Enfin, mettre. Coopération contre compétition. C'est ça, ouais. Ah, c'est intéressant, ça. La majorité des écoles alternatives valorisent la coopération. La coopération, ça, de fait, ça suppose ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde les talents de chacun. Ouais. Et dans un groupe d'élèves, on observe que tout s'articule, si on les laisse interagir entre eux de façon relativement libre et qu'on ne fait que l'enseignant devient un accompagnateur, un animateur, eh ben ça se régule presque tout seul et les élèves ont tendance à se respecter par rapport justement à leurs forces. Qui sont les uns et les autres différentes. Donc voilà, les relations se pacifient à partir du moment où vous posez la nécessité de réussir à coopérer, en fait. Ah oui, mais ça, c'est intéressant. Je connais une école, d'ailleurs, dans laquelle sont mes petits-enfants, qui ils mettent 4 classes ensemble, les grands doivent aider les plus petits. Ouais. Et effectivement, je vois bien mes 2 petits-enfants qui sont dans cette école s'épanouissent bien. Parce qu'il n'y a pas ce sentiment de compétition, puisqu'il y a ce sentiment de coopération. C'est ça. Voilà, très intéressant. Et puis, effectivement, c'est un peu une jeunesse qu'on prépare et qu'on n'est pas très conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que nous voulons donner la parole aux jeunes et nous faisons encore appel à des jeunes s'ils veulent venir s'exprimer, même s'ils ne sont pas dans le syndrome d'épuisement, même s'ils ne sont pas dans le burn-out, mais enfin, s'exprimer sur le sujet. Donc vous pouvez appeler au 03 29 62 40 40 ou bien réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Ralentir pour vivre Facebook ou sur la page Radio Gemozo. Et vous pouvez aussi intervenir de manière absolument anonyme et même sous un nom, un autre prénom. Ce qu'on aimerait, c'est engager le dialogue. C'est vraiment faire parler la jeunesse parce que, apparemment, il y en a beaucoup d'épuisés. Je sais pas, vous en avez rencontré ? Ah oui, il y a beaucoup d'étudiants, de mes étudiants qui étaient épuisés. Et puis, il y avait aussi des enseignants qui sont épuisés. Ah oui. Eh oui, parce qu'en fait, il y a des enseignants qui n'ont pas réagi forcément comme moi je l'ai fait, mais qui souffrent et qui m'ont révélé qu'ils souffraient de la problématique de la notation. J'ai même une collègue qui m'a dit que elle retardait le moment de corriger ses copies parce qu'elle avait un mal fou à mettre une note à chacun de ses étudiants et elle retardait le moment de la correction de ses copies. C'est quand même édifiant. Oui, je pense que vraiment ça devait être pénible pour elle et puis elle devait avoir beaucoup de peine à assumer, quoi. Ben, complètement. Et puis bon, ben, je pense aussi, puisqu'on est en direct avec des élèves, suivant la personne, elle peut être sensible, le jeune peut être effectivement. Et puis ben, si on doit lui mettre une mauvaise note sous prétexte qu'il y a des barèmes établis, c'est vrai que ça doit être un crève-cœur. Complètement. Carrément. Et là, on va entendre une chanson de La Rue qu'est à nous, Où je vais. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain, on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas, et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse, mais échange de mon procédé, si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu, ben nous serons les bienvenus. Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas s'il le savait. Mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su. Mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su. Voilà, cette chanson nous remet un peu sur... j'ai une jeune qui m'a dit dernièrement, une oufeuse qui est venue à l'association Ralentir pour vivre, qui m'a dit « je suis un peu perdue ». Et ils ne savent pas, ces jeunes, où ils vont. Et c'est vraiment pour eux, grave. Et je pense pas que les parents soient toujours conscients de la gravité. Certains oui, et d'autres non. Maintenant, comment réagissent, Pascal, vous pourriez nous dire, comment réagissent les enfants par rapport justement à ce système de notation, les expériences que vous avez eues ? Alors moi, j'ai eu l'occasion de recueillir les témoignages de mes étudiants en avril 2021 suite à vraiment un mal-être que pressentait l'équipe pédagogique. Et du coup, on m'a demandé de les écouter. Et c'est édifiant ce que j'ai... Bon, il y avait la crise sanitaire qui démarrait. Là, ils avaient déjà un peu subi une forme d'isolement. Mais ça fait rien. C'était que quelque chose qui était présent, qui était exacerbée en fait à ce moment-là. Donc pour rejoindre ce que vous disiez, moi j'ai par exemple eu des étudiants qui m'ont dit on fait beaucoup de choses mais on sait pas à quoi ça sert. Ah, oui, voilà. En fait, on a ça sous-entend que il y a ce compartimentage des matières qu'on a créé qui n'a pas de sens en fait. Donc il n'y a pas une reliance. Souvent les enseignants travaillent pas suffisamment ensemble pour relier les choses et du coup ça occasionne une souffrance des étudiants. Ils s'y retrouvent pas, ils voient pas la cohérence de ce qu'on leur fait faire. J'ai eu vraiment quelque chose de très très édifiant, c'est on ne sait plus pourquoi on se lève le matin. Puis c'est ouais. Quel âge, juste pour... c'était des étudiants de 18 ans, 19 ans. Ouais. À 18 ans, dire je ne sais pas pourquoi je me lève, alors c'est dramatique. Incroyable. Oui. Parce que ne serait-ce qu'aller à la rencontre de leurs camarades, c'est une motivation pour aller pour se lever le matin. Oui. Mais ils n'avaient même plus ça. Ça veut bien dire que psychologiquement, ils étaient impactés. Oui, ça veut dire quand même qu'ils voient clairement, oui. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Quoi. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Et les parents dans tout ça? Les parents, ils sont dans le système, ils mettent la pression encore plus de façon rajoutée par rapport aux enseignants sur les étudiants. Et du coup, c'est un stress supplémentaire, c'est une pression supplémentaire en fait. Oui, justement, parce qu'à 18 ans, c'est un petit peu l'entrée dans la vie active, donc les parents sont anxieux de savoir qu'est-ce qui va devenir. C'est ça. Ils sont vraiment très inquiets par rapport au métier que pourra préparer son enfant, etc. Donc, du coup, ils mettent encore plus la pression parce qu'eux-mêmes sont formatés au système économique d'aujourd'hui. Donc, il y a un stress que subissent les étudiants, moi, que j'ai vraiment observé, qui est vraiment très important. Un vrai mal-être. Ça se traduit par des crises, par moments, des étudiants qui me disent on a encore eu 4 en maths, en plus la moyenne générale c'est 8, j'ai eu 4, comment je vais faire? J'aurai pas mon diplôme, vous vous rendez compte monsieur? Et il y a la question du diplôme, du coup ça pose la question du diplôme, l'importance du diplôme. C'est un diplôme qui est une porte d'accès à un métier. Et du coup, peut-être que là, il faut regarder de plus près, voir si vraiment il faut en passer par des diplômes. Il s'agit de remettre en question, quelque part, ou en tout cas rediscuter là-dessus, sur la question du diplôme. Vraiment, oui, parce que les jeunes ont tendance à dire je suis nul, je ne sais pas ce que je ferai plus tard, on est perdu. Une m'avait dit une fois... ce que je fais n'a pas de sens. C'est ça. Et pourtant, elle avait un bon métier, elle gagnait bien sa vie, mais elle disait, moi, je songe à arrêter parce que ça n'a pas de sens. C'est ça. Donc, il y a une question de sens aussi. Bien sûr. Alors, le sens, c'est vraiment récurrent. Et moi, j'aime bien faire apparaître ce que signifie la motivation. En fait, on nous parle de motivation, donc soi-disant qu'il faut que nous, en tant qu'enseignants, on doit motiver nos étudiants à avoir des bonnes notes, à obtenir leur diplôme, etc. Mais la motivation, c'est pas ça. En fait, la motivation, pour moi, en tout cas, c'est intrinsèque. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui m'attire, à quoi j'aspire dans ma vie. C'est ça la vraie motivation. Comparer à quelque chose de concret, c'est comme le bébé qui apprend à marcher. Le bébé, il répète je ne sais combien de fois, il se relève je ne sais combien de fois pour réussir à marcher. Et il a une vraie motivation de réussir à marcher. Eh bien, on devrait fonctionner dans notre vie toujours de cette façon-là pour apprendre. Voilà. Oui, parce qu'en fait, justement, une des jeunes me disait, ce qu'il y a d'amusant, c'est que nos parents veulent savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, quel est le métier et tout. Or que, quand on regarde bien, on n'est plus à la génération d'un métier pour une vie. Non. Mais même nous, il y en a qui ont fait un métier pour une vie, c'était encore, parce qu'on a à peu près des âges similaires, c'était encore, on va dire, entendable, quoique... Personnellement, j'ai fait 3 métiers. Ouais. Donc j'étais déjà dans l'entre-deux, dans la fourchette qui faisait que déjà des gens de mon époque, on se recyclait constamment, on se recadrait dans d'autres métiers ou autres. Et je sais que personnellement, j'ai pu réussir à faire vraiment ce qui me passionnait après avoir fait 2 autres expériences. Bah oui. Donc la pression des parents en disant qu'est-ce que tu veux faire, ça sert pratiquement à rien. Non. Faut expérimenter. Faut expérimenter, puis il faut poser ce que c'est que l'épanouissement. À un moment donné, donc, on s'épanouit vers ce qui nous attire, vers ce qui va nous faire progresser, grandir pour un enfant. Un enfant, il a envie de grandir, il a envie de devenir adulte. Eh bien, en tant qu'adulte, en tant que même nos étudiants, ils ont envie, quelque part, d'occuper une place dans la société qui a du sens pour eux et qui correspond à leurs talents. On en revient à la question des talents, des intelligences multiples. Voilà. C'est ça. Là, on va entendre Oshi, je partirai, qui est vraiment intéressant aussi à entendre comme chanson. Cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi, si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain, je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai. Sortez vos caméras. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Voilà, on entend par cette chanson des jeunes qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la pression qui est exercée sur les jeunes ? Ben, elle est énorme, en fait. Par exemple, il y a 2 ans, il y a une étude qui a fait apparaître qu'il y a eu une augmentation de 400% des tentatives de suicide chez les jeunes. Oh, c'est affolant, c'est édifiant. Oui, c'est édifiant, oui. Vraiment. Donc voilà, c'est des indicateurs qu'il faut écouter. Quand bien même la crise sanitaire était semi-responsable, on est d'accord. Mais quand même, ça montre un bout de route chez les jeunes. Ils voient pas. Justement, il y avait une jeune qui m'a dit « Moi, je n'ai pas de vie de lendemain. » Celle qui a fait son témoignage, Lisa, nous expliquait dans son témoignage « J'ai cru que ma vie était finie à 20 ans. » Ma vie était finie à 20 ans. Ouais. Moi, j'en avais les larmes aux yeux quand elle m'a dit ça. Ça m'a pris au ventre, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose de grave et on doit quand même tenir compte de cet épuisement qui est dans notre jeunesse. Et si on allait peut-être dans un côté positif et donner quelques pistes qui pourraient être aidantes pour les parents et les jeunes à voir comment, quelques pistes, Pascal. Alors, moi ce que j'ai fait ces 10 dernières années avec mes étudiants, c'est que j'ai eu des entretiens avec eux, des entretiens individualisés, donc je les voyais une à deux fois par an pour faire un point sur comment ils sentaient leur niveau, effectivement, et leurs envies, comment leur comportement aussi, comment ils se sentaient d'un point de vue psychologique aussi au sein de l'établissement d'enseignement et dans leur vie en général. Et en fait, je me suis rendu compte que chacun d'entre eux, en discutant, avait quelque chose de particulier qu'il voulait, là où il voulait progresser ou qu'il voulait développer. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'est ça, c'est ce fil-là qu'il faut suivre. C'est-à-dire ce que l'envie qui, au travers d'un échange, au prolongement d'un échange, qui apparaît. Et du coup, il faut que absolument les parents aident et les enseignants aident les jeunes à ce qu'ils puissent mettre à jour quelle est leur voix, en fait. Oui, à exprimer. Ouais, voilà. En fait, c'est le dialogue. Quoi. C'est le dialogue. Mais le dialogue de manière, on va dire, assez intensive, dans le sens vraiment qui s'exprime, mais pas du côté, on va dire, misère. Non. Du côté, voilà, qui quoi, comment tu te sens par rapport à ce que tu es en train de vivre. C'est ça. Durant ces 10 ans de fin de carrière notamment, j'ai accompagné des jeunes au travers, parce qu'on menait des projets, ce qui s'appelait des projets tutorés. Donc j'ai suivi mes étudiants en projet tutoré sur des voies qui justement semblaient être leur voie. Et figurez-vous que pour au moins une dizaine d'entre eux, j'ai des retours que en fait ce fil-là qu'ils ont suivi et leur projet pour lequel ils ont été accompagnés leur a donné leur métier et même plusieurs d'entre eux ont créé leur entreprise à partir de ce talent-là. Quoi. Oui, c'est-à-dire à partir du moment où on arrête de faire une globalisation dans la notation, la compétition, et où on rentre dans l'individu pour voir sa propre son talent, c'est sa capacité, sa façon d'être, et peut-être effectivement chacun a un talent. Oui. C'est clair que le talent qu'on a, si on le met en avant, je dirais que là on commence à se sentir bien, à avoir de la considération pour soi-même. Et oui, on retrouve totalement son estime de soi on retrouve une vraie motivation pour travailler des matières qui pour lesquels ils n'étaient pas motivés avant, mais ils vont être motivés, par exemple, de refaire des maths parce que ils auront besoin des maths pour suivre leur voie. Oui. Et je revois de mes étudiants, là récemment j'en vois un qui a son entreprise de métallerie, c'est extraordinaire ce qu'il me renvoie, quoi. Et il me dit c'est dommage, j'étais pas assez motivé pour travailler en maths ou pour travailler en physique, mais en fait c'est pas grave parce que il le fait par lui-même. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est extraordinaire. Oui, mais je pense que c'est en fait, si je prends la réflexion avec recul, et en prenant mon expérience personnelle, j'étais handicapée de l'orthographe. Ouais. Bon, ben voilà, j'étais handicapée de l'orthographe, en plus je travaille dans un milieu américain, donc on me fait parler anglais, donc l'orthographe passe un peu en deuxième. Et puis avec les choses que j'ai dû faire, après le dernier métier que j'ai fait, donc, qui était en sociologie et dans la science de l'éducation, j'ai dû arranger cet handicap pour le niveler. Oh, je serai jamais bonne, mais je suis pas mauvaise maintenant. Mmh. Et je pense que si tout le monde en arrivait là, à un moment donné, on fait ce qui nous branche, et puis ensuite, ceux où on est plus faible, on nivelle. C'est ça. Ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Et moi, je l'ai vécu pour moi-même. Hein. J'ai progressé dans des domaines par moi-même. C'est ce qui est valorisé par quelqu'un qui communique beaucoup, qui est sur les entreprises libérées, une nouvelle façon de mener son entreprise. C'est, pour résumer, c'est Tchoupi veut faire tout seul. Oui. C'est vraiment. Je veux réussir à faire tout seul et c'est comme ça que j'apprends et c'est ça et j'aspire à ça, je veux expérimenter ça et c'est ça qui va me permettre de m'épanouir. Oui, voilà. Tout à fait. Donc en fait, c'était des expériences qui étaient quand même très enrichissantes par rapport à ça. On va entendre maintenant N'attendons pas de Vianney. Voilà. lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau. Voilà, n'attendons pas pour réagir et prendre nos responsabilités vis-à-vis des jeunes. Donc, nous étions avec Pascal dans les, je dirais, les pistes. Les pistes. Voilà. Ouais. On vous laisse continuer. Eh ben, je repense il y a donc 3 ans, lorsque j'ai fait cette écoute de mes étudiants. Donc, il y a un étudiant qui m'a relaté ce qu'un enseignant avait expérimenté comme méthode avec sa classe. Tout simplement, il a fait faire, il est allé jusqu'au bout, cet enseignant, du travail par groupe. Il les a mis aussi en binôme. Et en fait, il leur a permis individuellement de prendre conscience de ce qu'ils ont compris, pas compris. Il leur a permis aussi de s'exprimer devant les autres. Moi, je l'ai beaucoup fait dans ma carrière. Ça, j'ai même fait faire des conférences à mes étudiants, à des salons. Et c'est incroyable comme le fait de permettre l'expression orale, notamment à des étudiants face aux autres, à leurs camarades, tout simplement. C'est important. Et cet étudiant m'a dit, en fait, cet enseignant, il nous a appris à pêcher. Il nous a pas apporté les poissons. Il nous a appris à pêcher. Donc joli. Voilà, un enseignement, voilà. Oui, donc magnifique. De la coopération. De la coopération, oui. Ouais. C'est-à-dire de la coopération aussi pour l'estime de soi quand on parle et puis qu'on est écouté par les autres. C'est ça. On existe, voilà. On est ouais. Là, ouais. On nous prend ouais. En considération. Il y a tout cet aspect, je pense, effectivement... là, on pourrait aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants sont un petit peu des oies à gaver. On les gave, on leur enfile des trucs, mais on les fait pas vivre de manière naturelle. C'est ça, on les fait pas interagir entre eux, et alors qu'ils ont une capacité naturelle à vraiment s'écouter les uns les autres, à se respecter aussi les uns les autres, à se faire confiance les uns les autres au sein d'un groupe. Et ça, c'est, vraiment, les relations se pacifient naturellement dans un groupe. Et je m'en suis rendu compte aussi auprès de mes, avec mes étudiants, mais il faut quand même les accompagner vers ça, parce que malheureusement, ils ne sont pas éduqués à ça. Oui, c'est ça. Mais là, on aurait deux dérives dont on parle dans l'association par rapport au syndrome d'épuisement. La dérive de la culture de la compétition qui serait déjà nivelée, et la concurrence exacerbée qui serait aussi nivelée, puisque quand il y a coopération, il n'y a plus tellement compétition, il n'y a plus tellement concurrence. Non. Bon, on reste toujours dans la manie d'évaluation, mais on pourrait dire qu'il en faut une. Seulement, alors là, justement, dans l'évaluation, est-ce que de l'auto-évaluation, bon, c'est des fois critique, mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Ah ben, moi, ce que j'ai identifié, c'est la notion de, enfin, là, comme étant une solution, il me semble, c'est la co-évaluation, donc qualitative. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des notes, à savoir donc quantitatif, un caractère quantitatif, il y a le caractère qualitatif. Donc, on n'a plus à mettre de notes. On met des commentaires. C'est des feedbacks permanents entre donc les participants à la co-évaluation. Moi, je l'ai vu avec l'entreprise. Donc, ça peut être trois personnes donc qui sont dans qui participent à la co-évaluation. C'est l'enseignant, le tuteur entreprise et l'étudiant. Donc voilà, il y a des feedbacks, des discussions, des échanges en permanence qui permettent à l'étudiant de connaître son niveau, de savoir où il en est, et puis aussi à l'équipe éducative également. En fait, est qualitative dans le sens où on n'a plus des notes, on n'a plus besoin de notes, on a des commentaires qui relatent des situations, donc une réalité de situation d'expérience, des travaux que l'étudiant a pu faire, qui mettent en évidence comment il s'y est pris, ce qu'il a amélioré dans sa façon de faire ce travail, et éventuellement de voir comment il peut corriger. Mais c'est une écoute, en quelque sorte. C'est ça. Une écoute, et puis une auto-évaluation, ou en tout cas une évaluation conjointe avec l'enseignant. C'est ça. Et là, ça devient une évaluation qui n'est pas malsaine. Non. Non, parce qu'on ne juge pas, on ne pointe pas du doigt, on a juste des faits, et donc on relate des faits, des façons d'entreprendre un travail, de mener une tâche, et du coup, on a juste à dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est à améliorer, etc. Mais on ne juge pas la personne. Mais c'est beaucoup plus sain, quoi. Et oui. C'est quand même beaucoup plus aéré comme histoire. Voilà, tout à fait. Oui, et entre autres, d'autres pistes qui pourraient être intéressantes. Ben après, en prolongement de ça, c'est toujours avec pour base le fait de réussir la coopération. Donc en fait, après, il y a des outils pour le collectif. Donc on peut, par exemple, dans les entreprises libérées, ils utilisent par exemple la sociocratie. Donc, et ça peut se décliner au niveau de la société, dans la société civile. Donc, en fait, c'est le fait d'utiliser des outils comme, par exemple, la gestion par consentement. C'est-à-dire que quand on a une décision à prendre, on écoute tout le monde. Il y a un savoir-faire. On fait tourner la parole et on réussit à trouver donc un compromis. Un consensus. Alors, il y a une différence entre le consensus et le consentement. Le consensus, c'est tout le monde qui est d'accord. Oui. Et le consentement, c'est personne qui dit non. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Très intéressant. Voilà. Donc oui. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément, tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec ce qui aura été choisi comme décision, mais en tout cas, il n'y a personne qui dit non, et du coup, qui empêche. Donc, quelque part, on a un groupe qui est, quelque part, qui va trouver l'énergie pour entreprendre ce qui a été décidé d'entreprendre. Et la sociocratie, c'est ça. Il y a d'autres outils associés, mais il y a une dissociation entre le décisionnel est l'organisationnel. C'est-à-dire que les décisions sont collectives et l'organisationnel, c'est comme les entreprises aujourd'hui, l'opérationnel. Donc il y a des personnes qui sont dédiées à, enfin qui ont été choisies pour exercer certains postes. Mais en fait, elles font pas ce qu'elles veulent. Elles font en fonction de ce qui a été décidé collectivement. Mais là, je pense qu'on doit voir la différence entre horizontal et vertical. C'est ça. Voilà. Là, nous allons écouter. Après, nous ferons le point et nous conclurons. Nous allons écouter Aurel San, La Quête. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Ніколи не вірь тому, що написано. Да. Да. Voilà, une chanson qui fait les frissons. C'est en fait Aurel San, tout va bien. Parce que effectivement, c'est un petit peu ce qu'on disait hors micro là, c'est que on a une tendance à tout enjoliver. Et il n'y a pas de il y a jamais de problème. Et avec les jeunes, on fait un peu pareil. On dit oui, mais tout va bien, tout va bien. En fait, c'est quand même un petit peu poignant de voir à quel point on ne les écoute pas quelque part. Ouais, tout à fait. En fait, on leur demande de faire bonne figure, puis nous-mêmes, en tant qu'adultes, on doit faire bonne figure aussi. Voilà, okay, voilà. Que les choses ne soient pas dites, ne soient pas vues. Et ça me fait penser à ce qu'on ne dit pas. On a parlé tout à l'heure du stress occasionné par les façons d'apprendre qu'on utilise. Et ben en fait, on ne regarde pas en face le stress occasionné. Et derrière ce stress occasionné par le système éducatif, on a ce qu'on peut appeler, ce qui est appelé, de la violence éducative ordinaire. Ah oui, tout à voilà. fait. Oui, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord. On laisse sous le tapis quelque chose qu'on ne veut pas voir. Voilà. Mais qui va nous sauter aux yeux dans quelques temps. Parce qu'effectivement, 400% d'augmentation de suicides chez les jeunes en 2021, ouais. Quand bien même il y a eu la crise sanitaire, quand bien même, c'est quand même quelque chose d'affolant. Ouais. Ouais. C'est affolant, c'est édifiant. C'est ça. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, alors nous, dans le cadre de l'association Ralentir pour Vivre, nous aimerions vraiment continuer à faire parler les jeunes. Alors je vous encourage de tout mon cœur, avec toute mon énergie, de ne pas hésiter à prendre contact avec nous. Vous pouvez prendre contact sur le site internet ralentirpourvivre.org. Il y a un point contact. Vous pouvez nous envoyer vos coordonnées, même anonymes, et venez parler. C'est ce que j'ai envie de dire, mais venez le dire, venez, on vous ouvre la parole, c'est hyper important. Et effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut garder un anonymat, qu'on peut aussi ne pas être obligé de parler vraiment de l'épuisement, mais venir parler de ce qui stresse, parce que le stress, c'est quelque chose de... Il y a une petite jeune qui m'a dit dernièrement, qui m'a dit « Ah ben, les crises d'anxiété ». Ah, mais chez nous, c'est courant chez les jeunes. Ah ben, c'est lui qui m'a dit ça. Oui, c'est courant chez les jeunes. C'est comme si vous, vous disiez avant... Donc, nous, une crise de panique chez les jeunes, ça fait partie de notre quotidien. C'est ça. Ben, c'est l'anxiété de performance dont il a été question tout au début. Voilà, ce stress-là, il est présent, il n'est pas mis à jour. Quelque part, on n'écoute pas les jeunes par rapport à ce qu'ils ressentent. Et c'est vraiment pas acceptable. Non, c'est pas acceptable. Et puis, c'est triste. C'est triste. On va dire ça comme ça. C'est triste du fait que c'est sous couvert, qu'on n'en parle pas et qu'on ne veut pas en parler. Donc on vous appelle tous les jeunes. Allez, on va faire une fourchette large de 16 à 30 ans, et on peut même dépasser les 30 ans. Venez parler de ce qui vous préoccupe, de ce stress que vous vivez ou que vous avez vécu ou que vous ressentez indirectement ou directement. Plus on parlera de ça, plus les choses seront à découvert. Et là, on peut dire que peut-être on pourra faire, on va dire, avancer en tout cas des cas individuels, parce que la parole délivre. Oui, complètement. Puis moi, j'ai nombre de cas d'étudiants que j'ai vu complètement paniquer. Voilà, ça donne des paniques, vraiment des désordres psychologiques. Des étudiants paniqués qui pleurent à certains moments, etc. Et la crise de larmes faisant partie d'un des symptômes. Ouais. Voilà. Je vous remercie, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute, en vous disant à mardi dans 15 jours avec un nouvel invité surprise. À contretemps, c'est à vous en direct. On vous attend et on vous souhaite une bonne fin de journée.